Magic Histoire, le podcast du comité d'histoire régionale de la région Grand Est. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la conférence Morgane Pendragon, une réécriture féminine de la légende arthurienne, avec l'écrivain Jean-Laurent Del Socorro, dans le cadre de l'édition 2024 du festival Les Imaginales. Je me permets de vous présenter donc Jean-Laurent Del Socorro, qui est auteur de romans alors, historiques, avec un petit peu de fantaisie parfois, avec des degrés variables selon les romans. Et une des particularités est que dans l'œuvre de Jean-Laurent Del Socorro, on va retrouver une place importante accordée aux personnages féminins. De la part d'un auteur homme, c'est rarement le cas, donc j'en profite pour le signaler. Avec des personnages féminins, en plus, j'ai envie de dire, bien traités. Donc ça fait du bien quand on est une lectrice aussi. Parmi une œuvre quand même déjà pléthorique, mentionnons au moins Boudica, par exemple, qui était sortie en 2017. On va beaucoup parler là de Morgane Pendragon pendant une petite heure. Mentionnons également, qui est sur ma table de chevet et que je viens de commencer, Peine de mots perdus, donc, qui est paru il y a quelques mois et que vous pourrez retrouver un peu partout sur le festival, d'ailleurs dans la bulle du livre. Jean-Laurent écrit pour un public plus adulte, écrit pour un public jeunesse aussi, puisqu'il a tous les talents, c'est insupportable. Il est également donc co-auteur d'une série jeunesse qui s'intitule Les Chevaliers de la Raclette. Et c'est aussi prometteur que le titre l'annonce. Donc voilà, allez jeter un œil à l'occasion. Il propose notamment des romans pour jeunes adultes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir à chaque fois des personnages qui vont associer des éléments, enfin, ou un cadre qui va associer des éléments historiques à un véritable approfondissement des personnages. Et notamment donc des personnages féminins auxquels tu accordes une grande importance, et on va avoir l'occasion d'y revenir. Je pense qu'on aura l'occasion de parler un petit peu sur la fin de Vainqueuse aussi, qui vient de paraître, et qui est encore une histoire de personnages féminins. Alors, j'aime pas cette expression, mais de personnages féminins forts, mais là j'ai envie de dire au bon sens du terme, donc on pourra en reparler. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, et promis, je vais laisser la parole à celui que vous êtes venu entendre quand même, qui est Jean-Laurent Del Socorro, pour parler de ce roman sur Morgane Pendragon. Alors, je vous avoue que c'est pas un roman que j'ai découvert pour cette présentation. J'ai eu la chance d'être un petit peu informée au fur et à mesure du travail, étant travaillant sur la légende arthurienne pour mes recherches. J'avais eu la chance d'être consultée par Jean-Laurent au fur et à mesure du travail pour avoir ce regard justement de médiéviste et d'arthurianiste, donc de spécialiste de la légende arthurienne. Donc j'ai eu la chance de pouvoir lire des extraits en avant-première, et ça, c'était chouette. Je ne suis pas sûre d'avoir été très utile sur le processus d'écriture, on pourra en reparler, mais voilà, comme ça vous savez un petit peu que j'ai pu être investie sur ça aussi. Mais donc, parlons un petit peu de... Alors, j'ai envie de dire, même avant de parler de Morgane Pendragon, parlons de la légende arthurienne. Qu'est-ce que c'est déjà ? Qu'est-ce que c'est la légende arthurienne ? De quoi ça parle ? Et comment toi, tu te situes par rapport à cette légende ? Merci déjà pour cette présentation élogieuse. Je reviendrai plus souvent. La légende arthurienne, au départ, c'est quoi ? C'est des récits d'enfance. C'est un peu les contes et légendes pour moi qui ont fait mon adolescence, contes et légendes de la table ronde, que dans des récits jeunesse divers et variés. Et c'est d'abord la pop culture. Moi, j'y reviens encore sur ce terme un peu général, mais c'est d'abord une appropriation à travers le Merlin, l'enchanteur de Disney, les adaptations au cinéma divers et variés, plus ou moins réussies, de Excalibur de Borman à la légende d'Excalibur de Guy Ritchie, voilà, ce qui est le très bon et le moins bon. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut peut-être moins faire, à l'étonnant et très graphique Chevalier Vert de David Lowry, ouais, que je vous invite à voir, qui n'a pas eu d'exploitation au cinéma en France, mais qui mérite le coup d'œil. Donc, au départ, en fait, c'est une approche qui naît un peu par les textes, souvenirs d'ado, beaucoup en fait par le visuel ou la BD ou les adaptations, et c'est ça aussi qui est intéressant. Je trouve que c'est quelque chose qui est, on baigne dedans, même si on n'est pas forcément breton investi. Évidemment, il y a ce que j'appelle la vague Kaamelott qui a remis quand même la légende en avant, pas par un prisme très précis, on ne va pas se mentir non plus. Mais voilà, y a quand même, on a toujours été dedans, même malgré ça, je pense qu'on est toujours baigné là-dedans. Et à un moment, on voit des adaptations régulières qui sortent par des auteurs et des autrices francophones ou internationaux. Et on a envie de s'en emparer. Alors pourquoi ? C'est toujours une grande question, parce que c'est un peu la question de qu'est-ce qu'on apporte à la légende qui a été écrite, réécrite, reproposée un certain nombre de fois. Et ben voilà, je voulais savoir s'il y avait peut-être quelque chose à faire en interrogeant justement ce que tu disais sur la réflexion sur la place des femmes dans le récit et globalement la place des personnages historiques féminins dans le récit. Est-ce que je ne pouvais pas réinterroger cette fois la place des personnages féminins dans les mythes ? Je trouve que voilà, c'est comme ça que j'ai dit, et si Morgane, on la mettait au centre, et si c'était elle en fait l'héritière, si on fait cette uchronie, donc cette variation de l'histoire en disant que ce n'est pas Morgane, pas Arthur l'héritier, mais Morgane, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, et il me semblait que c'était un pas de côté qui pouvait apporter quelque chose. Oui, sachant que dans la légende arthurienne, alors on parle de légende arthurienne parce que c'est centré sur le personnage du roi Arthur, mais on a quand même énormément de personnages masculins. Arthur, Merlin, tous les chevaliers, hein, selon les textes du Moyen-Âge, les chevaliers, on peut en avoir jusqu'à 3000. Et bien sûr, tous des hommes, tous nobles. Et on a quelques femmes. Hein. Techniquement, elles existent, mais pas toujours rarement dans des rôles de premier plan. Et quand elles ont un rôle de premier plan, c'est souvent négatif. Et alors, du coup, j'ai envie de dire, qui est Morgane dans la légende et qu'est-ce que toi, tu fais de ce personnage si particulier ? Elle a un rôle très spécifique quand même, Morgane, dans la légende. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est justement, moi je repars, finalement c'est peut-être mon roman le plus, c'est mon roman fantasy, si j'en ai un, c'est celui-là en fait. Parce que là, on part vraiment d'un mythe, même si je redonne un cadre historique qui est celui du 7e siècle, parce que je veux jouer avec l'histoire voilà, de l'arrivée du christianisme que je fais confronter à la légende, on reste sur du mythe, avec sa quête, avec ses créatures, avec sa magie, complètement ancrée dans l'univers. Donc ça, je le prends de plein fouet. Par contre, c'est vrai que le personnage de Morgane, j'ai besoin de le réapproprier à travers les textes. J'ai fait la démarche, en fait, entre guillemets, de recherche historique, en replongeant dans les textes. Tu peux enlever les guillemets, hein, t'as fait une recherche, véritablement. Oui, alors qui est évidemment moins poussé qu'un historien ou un historien. C'est-à-dire que je prends un panel. Alors, j'en ai lu pas mal, hein, mais ça m'a permis de me dire, voilà, sur les premiers textes jusqu'à les derniers, qui est un peu, moi, le point d'orgue que j'avais pris, c'était le roman du roi Arthur de Thomas Malory, dont s'inspire d'ailleurs beaucoup le Excalibur de Bormann, hein, si vous l'avez vu. Et de voir en fait cette évolution-là que je n'avais même pas trop cernée, c'est-à-dire bon, dans les tout premiers textes, c'est intéressant, on a une Morgane, elle est prêtresse, une des 12 prêtresses, elle est autonome, magicienne, autonome, elle n'a rien à voir avec la cour, elle n'a rien à voir avec Arthur, il n'y a pas de lien, et c'est une femme de pouvoir et une femme de magie. Et ce qui est intéressant, il va y avoir deux autres déclinaisons très vite que va insuffler la christianisation du texte. La première, et ça va être notamment par Chrétien de Troyes, où elle apparaît assez nettement, elle devient tout d'un coup demi-sœur du roi Arthur. Là, elle est très sympa et très gentille. Elle va soigner le roi Arthur à chaque fois qu'elle a un problème. C'est une fée qui aide régulièrement les chevaliers, etc. Voilà, une gentille fée, sœur d'Arthur, demi-sœur d'Arthur. Et après, c'est le drame, j'ai envie de dire. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que si on garde en tête l'idée que c'est une écriture passée sous la moulinette de la christianisation, là, quel archétype on a ? Bon, entre guillemets, on a la Vierge, là. On a le personnage parfait, gentil, qui aide au service d'eux, voilà. Mais qui reste derrière, quand même. Il ne faut pas non plus prendre... C'est une femme, quand même. On ne va pas lui donner la parole, non plus. Eh ben, et la V2, effectivement, du coup, on a quand même besoin tout d'un coup de... Il y avait déjà des personnages de méchants, mais on a besoin d'un grand méchant narratif au fur et à mesure des réécritures. Et on va prendre Morgane, qui reste une demi-sœur, qui est concupiscente, qui veut du pouvoir, qui a de la magie, qui est orgueilleuse, et qui est vraiment l'image de la Jézabel voilà, chrétienne. Là, on a l'inverse. Voilà. La femme, elle est soit au service de l'homme et elle est gentille, soit c'est elle veut s'émanciper, et là, forcément, c'est la méchante de l'histoire. Et là, c'est hyper étonnant. C'est pas beaucoup de siècles. Mallory, c'est quelle période ? On est à la fin du 15e siècle. En quelques siècles, on a vraiment une réécriture totale. Et donc, du coup, je me dis, mais en fait, c'est fou que ce personnage-là, aujourd'hui, c'est forcément la méchante. Mais même, on le voit dans la pop culture, c'est forcément comme un personnage plutôt négatif. On est forcément sur... Même dans les jeux de société, si vous vous intéressez aux autres médias, c'est forcément un personnage qui est sombre, noir, qui est l'opposition. Et c'est fou qu'on ait effacé à ce point, en fait, même toutes les facettes qu'elle ait pu avoir, en fait. Et là, de se dire, je prends Morgane, je la mets au centre, elle est juste quelqu'un qui, comme Arthur, hérite de quelque chose qui est supérieur à elle, et qu'est-ce qu'elle en fait ? Voilà, prenons les choses plus simplement, peut-être plus par la base, et voyons ce qui se passe. Voilà. Oui, il y a énormément de choses à dire, hein, sur ce personnage qui est, effectivement, qui a déjà une histoire déjà riche depuis le Moyen-Âge, avec une évolution radicale vers le côté obscur de la force. Sachant qu'elle va être présentée en opposante alors, d'Arthur, de ses chevaliers, de Merlin, selon les textes, parce que on va la présenter comme avide de pouvoir, donc qui veut détrôner Arthur, qui veut prendre sa place, et en même temps elle est associée à, tu disais, une prêtresse, donc elle va être associée à une forme de magie. Donc forcément, hein, on a un personnage féminin associé à la magie, on va la mettre en pendant avec Merlin, et comme Merlin est forcément positif, si on regarde les textes, c'est un peu plus ambigu, hein. Il a ses propres les voix de Merlin sont impénétrables, hein. Mais on va la placer comme ça en opposante aussi du pouvoir magique bénéfique de Merlin, et donc elle va devenir en fait un archétype de sorcière aussi. Alors avant l'heure, hein, puisque on n'est pas encore dans l'époque de chasse aux sorcières qui va arriver vraiment à partir du 15e, 16e et 17e siècle, mais on a déjà cet archétype parce qu'on a un personnage féminin justement puissant, à la fois dans la sphère politique et dans la sphère magique, donc elle ne peut que être négative. Et comment toi tu la places, alors à la fois vis-à-vis d'Arthur, tu en as un petit peu parlé, et vis-à-vis de Merlin justement, comment tu établis cette relation ? Est-ce que ta Morgane dans Morgane Pendragon a cette relation à la magie ? Alors, ce qui est intéressant, c'est je lui redonne la même place qu'Arthur. Donc, il faut qu'elle se réapproprie toute cette magie. Déjà, qu'elle réapproprie son ascendance, son pouvoir, et qu'après, qu'elle réapproprie sa magie à travers l'épée. Donc, on est vraiment sur une Morgane qui est vraiment part de rien, un peu comme Arthur. Tout d'un coup, il va se réapproprier et la fois la symbolique de reine et à la fois la symbolique de magie. Et le rapport avec Arthur, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je laisse avec Merlin, je laisse Merlin du côté d'Arthur. C'est-à-dire que, et ça c'est le prologue du récit, je ne dévoile rien, jusqu'au moment où l'épée va être sortie, il y a quand même le doute que peut-être Arthur va le faire. Et que pour Merlin, c'est lui qui doit être l'héritier, pour plein de raisons. Parce que c'est son champion, parce que c'est son poulain, il l'a formé, il a beaucoup d'espoir sur lui. Et donc du coup, quand Arthur ne sort pas l'épée, mais quand c'est Morgane, là on se retrouve avec un Merlin qui est décalé par rapport à la légende, il reste bien du côté d'Arthur, et même s'il va aider Morgane, il a quand même un peu, comme on dirait, le seum, parce que c'est quand même pas son poulain qui a sorti l'épée de la pierre. Et je voulais aussi revisiter ça, c'est-à-dire que, comme tu disais, le personnage, suivant les textes, quand même, Merlin, il est très ambigu. On a parfois l'impression qu'il agit pour lui-même. Les prophéties, c'est pratique, parce que comme il a ce pouvoir-là de voir l'avenir, au bout d'un moment, on dit, mais c'est une prophétie ou c'est sa volonté politique d'orienter les événements ? Il y a quand même cette ambiguïté-là qui est tout à fait présente. Et je me suis dit, en prenant un personnage qui doit servir une reine, mais qu'il n'a pas voulu, en sachant que le numéro 2, c'est son champion, voilà, narrativement, ça allait provoquer quelque chose, à mon avis, d'intéressant. Justement, c'est intéressant la façon, parce qu'on parle de Morgane, mais on parle aussi de fait beaucoup d'Arthur, qui est toujours au cœur de la légende. Et parce que tu adoptes une structure bien particulière dans le roman pour justement... Alors, j'allais dire, est-ce qu'on peut parler de mettre sur un pied d'égalité Morgane et Arthur ? Comment tu traites ça ? Alors, le roman, c'est une alternance de points de vue de Morgane et d'Arthur. Les chapitres s'enchaînent, vous avez l'un et l'autre. Au départ, Arthur ne devait pas prendre autant de place, mais je me suis rendu compte, pour voir l'impact de l'évolution, de remettre Morgane au centre, pour voir ce qui se passe ailleurs quand elle n'est pas là, j'utilise le personnage d'Arthur pour voir petit à petit tous les éléments de la légende qui vont légèrement bifurquer ou en tout cas être réinterprétés. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, et je m'en suis encore rendu compte quand tu as présenté Morgane. Parce que quand même dans la légende, dans les textes, on a quand même une femme unique, on lui oppose un roi pour contrer son pouvoir politique, on lui oppose en plus un magicien pour contrer ses pouvoirs magiques, et on lui oppose des chevaliers pour lui opposer le pouvoir qu'elle peut avoir de conquête et sur un terrain. Donc on a quand même un personnage qui a un pouvoir énorme où on doit mettre tout ça en face pour opposer... Il faut combien d'hommes pour contrer une Morgane ? Exactement. Et en fait, Morgane, dans la légende, je lui rajoute quelque chose, mais déjà, elle a plein de choses à la base. Elle a déjà du pouvoir, elle a déjà une influence. Par contre, Arthur, et ça, ça a été un peu ma découverte, enlevez-lui l'épée. Arthur, s'il n'a pas de trône et son épée magique, il n'a pas grand-chose dans la légende. Donc, comment on crée le personnage ? Et j'ai trouvé intéressant de se dire, ben voilà, comment un personnage qui n'a plus rien par rapport où il y a quelqu'un qui, du coup, a vraiment tout, c'est un contrepoids qui me semblait assez intéressant. D'avoir un peu cet équilibre-là. Et du coup, effectivement, le personnage d'Arthur est vraiment le personnage qui nous montre l'aspect, peut-être, les divergences, en fait, les plus marquantes du récit. Ouais. J'ai vraiment adoré dans ton texte cette alternance de points de vue qui fait qu'on peut développer en parallèle les deux personnages, puisqu'on a accès à leur intériorité, à vraiment leurs émotions très conflictuelles aussi par moments, parce que ils s'apprécient, Morgane et Arthur, et malgré tout, ils vont être en compétition, alors à plein de niveaux d'ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont, vu qu'on a leur point de vue, on a aussi la façon dont ils interprètent les choses, ou la façon dont ils surinterprètent aussi certains événements. Des choses qui paraissent anodines pour un personnage vont prendre des proportions psychologiques, politiques, émotionnelles, vraiment énormes pour l'autre. Et ça permet vraiment de comprendre comment aussi des tensions peuvent se créer entre des personnages au-delà des enjeux politiques et des enjeux magiques, avec vraiment ce côté humain. Et le fait de passer de l'un à l'autre, ça permettait vraiment cette confrontation des points de vue que j'ai trouvé très bien pensée et qu'on n'a pas dans d'autres réécritures. Parce qu'il y a d'autres modèles qui font que souvent on va suivre soit Arthur, soit un de ses chevaliers, quand on suit les personnages féminins, comme dans Les Brumes d'Avalon de Marion Zimmer Bradley, alors on a plusieurs personnages féminins, mais t'as pas véritablement cependant masculin-féminin. On a un petit peu le côté chrétien et romain d'un côté et le côté païen de l'autre, mais c'est pas aussi marqué. Que là, tu rentres vraiment dans la tête et dans le cœur des personnages à tour de rôle, et ça permet de comprendre comment ça peut partir en live pour très peu de choses, en fait. Et voilà, moi, ça a fait écho à beaucoup de choses aussi, j'ai envie de dire, émotionnellement et humainement, des fois, des relations avec des gens qui tournent mal sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Et en fait, tu vois, ça permet de mettre le doigt aussi sur ce côté un peu universel, au-delà de la légende, au-delà des gros enjeux de pouvoir. On est sur des jeunes gens aussi qui vont avoir leurs propres ambitions, leurs propres projets, et avec des relations qui, des fois, tournent mal. Alors, tu le disais, c'est ton roman qui est le plus fantasy par rapport à d'autres œuvres qui sont beaucoup plus marquées par le cadre historique. Comment t'as géré cette plus grande liberté peut-être prévue pour la légende ? En tout cas, moi, je l'interprète comme une plus grande liberté. Mais est-ce que toi, tu l'as vécu de la même façon quand t'as travaillé sur ce texte ? Alors, c'est une excellente question. En fait, j'ai été rattrapé par deux choses. J'ai été rattrapé par justement cette trop grande liberté. C'est pas pour rien que j'écris de l'historique, parce que ça me donne un cadre de travail assez fort. Une contrainte sur laquelle je suis moins à l'aise, c'est si j'avais à créer un univers de bout en bout, le faire vivre, réfléchir à une cohérence interne, c'est compliqué en fait pour moi. Le cadre historique, ça donne une réalité, et c'est peut-être pour ça que, comme tu le soulevais, Morgane Pendragon, c'est d'abord un récit de personnage, parce que je m'intéresse, ma porte d'entrée dans tous mes récits, c'est le personnage qui va rentrer dans une histoire, qui va rentrer dans une époque, mais la porte d'entrée, c'est cette réflexion un peu intime du personnage. Et effectivement, donc du coup, j'ai déjà dû resserrer. Heureusement, il y avait beaucoup de masse sur les textes, donc il y a beaucoup à choisir. Mais malgré ça, j'ai été rattrapé, je pense, par mon envie historique de me dire, mais ça ressemble à quoi ? Si on posait une caméra dans la légende, ça ressemblerait à quoi ? Et j'ai fait exactement ce qu'on fait la plupart des auteurs entre le 12e et le 15e. En fait, j'ai triché, puisque j'inscris pour des raisons narratives, mon texte au tout début du 7e siècle. L'arrivée, c'est l'arrivée du christianisme en Angleterre. Parfait, une reine qui est encore sur le culte de la déesse, l'arrivée du christianisme. Je mets une chevalière chrétienne à la table ronde pour commencer à aborder cette question-là, cette opposition qui va apparaître et qui apparaît dans les textes. Et à la fois, je fais des joutes dedans, qui sont typiquement des joutes bien plus tardives, qu'on ne voit pas du tout apparaître. Voilà. Mais j'avais besoin à un moment de mettre cette caméra. Et là, c'est intéressant parce que d'habitude, j'ai un travail historique, c'est-à-dire j'ai tout le cadre historique et je mets un peu de fantastique. Là, je savais que j'avais déjà à avoir des créatures, des géants qui marchent, de la magie, des châteaux qui se transportent dans les brumes. J'étais ravi. Mais, et à l'inverse, l'historique, c'est un peu le... C'est du papier peint, en fait. Donc ça donne une réalité historique, mais c'est complètement... pour l'un coup, là, ça c'est intéressant, je m'en rends compte en le disant, on rejoint la pop culture. En fait, je remets des éléments historiques, mais qui m'arrangent pour donner une réalité qui est complètement fantasmée et qui accompagne la légende. Ouais. Il y a aussi une dimension aussi par rapport à ça, qu'on n'a pas encore soulevé, mais il y a la question. Je voulais aussi, quand je réapproprie ça, je me dis, on dit souvent dans mes textes qui ne sont pas historiques parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins. Et là aussi, cette table ronde, je ne voulais pas qu'il y ait... Les femmes existaient avant, hein, rappelons-le quand même. On n'est pas apparu au XXe siècle par magie. Hein. C'est un scoop. Ah, mais franchement, il y a du budget là. Et je ne voulais surtout pas que ce soit le phénomène Stromfett, c'était de remettre plein de femmes autour de la table ronde. Il y a une parité autour de la table ronde. Ah oui, je précise, hein, ce qu'on appelle le syndrome de la Stromfett, c'est quelque chose qui a été documenté, hein, mais parce que c'est très, très représentatif. Le principe de la Stromfett, c'est que dans le village des Schtroumpfs, vous avez 100 Schtroumpfs. Il y a 99 Schtroumpfs masculins qui vont tous être caractérisés par un trait de personnalité. Voilà, vous avez, bon, le Schtroumpf à lunettes, mais ça veut dire qu'il est intelligent. Le grand Schtroumpf, c'est la sagesse. Vous avez le Schtroumpf coquet, le Schtroumpf cuisinier. Bref, ils ont une personnalité très schématique, mais au moins ils ont une personnalité. Mais il y a une Schtroumpfett. Et sa personnalité, c'est quoi? C'est d'être une fille. Voilà, comme si c'était une nature en soi, ce qui n'a pas de sens. Et alors, au passage, hein, si on veut creuser, la Schtroumpfette a été créée par Gargamel en plus pour piéger les Schtroumpfs. Hein. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses, hein, cristallisées dans tout ça. C'est un scoop, ça? Bon, bah, voilà, vous avez bien fait de venir. Mais donc, le syndrome de la Schtroumpfette, c'est représentatif de ces personnages féminins qui vont être uniques dans un groupe masculin et qui sont censés incarner la femme. Alors, je mets des énormes guillemets avec mes doigts. Je le dis aussi pour les enregistrements audio, pour la suite, comme si c'était voilà, un archétype féminin censé représenter toutes les femmes et dans toutes leurs particularités. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans les réécritures de la légende arthurienne, parce que autant on a plein de chevaliers, plein de rois, de magiciens, etc., autant on a très peu de femmes. Donc on se retrouve un petit peu avec ça. Donc toi, voilà, ton but, c'était d'éviter d'avoir une femme qui se balade dans un océan d'hommes, en fait. Oui, il fallait la désisoler. Je fais juste, j'ouvre une parenthèse parce que ta réflexion sur est-ce qu'il n'y aurait pas un parallèle entre le village des Schtroumpfs et la légende de la table ronde, finalement. Schtroumpf grognon, c'est quai. Schtroumpf costaud, c'est pas Galad, c'est peut-être Lancelot, je ne sais pas. Voilà, je ferme la parenthèse. Il y a un Schtroumpf chevalier dans certains épisodes aussi. Ah zut. On va en parler. Je ferme la parenthèse. Oui, l'important aussi, c'était de désengager ça. Et par contre, là, je me suis retrouvé un peu... Les textes ne m'ont pas aidé. J'étais persuadé que sur la masse de textes, j'allais avoir des personnages. Alors, peut-être pas de chevaliers, mais au moins des femmes de pouvoir ou des choses. Tout ce que j'ai eu, c'est soit des grandes méchantes, soit... Et alors ça m'a beaucoup marqué. Alors, je me suis beaucoup appuyé sur, notamment sur sur le roman du roi Arthur. Parfois, les reines ne sont données que par leur fonction. Elles n'ont pas de nom, pas de prénom, c'est la reine 2. Alors que son mari est nommé, elle, c'est la reine 2, et elles ont un événement. Ou alors, on a des servantes qui apparaissent pour faire le lien. Ils amènent un chevalier d'un point A à un point B, disparaissent. Donc, les noms que j'ai repris sont des noms de personnages que j'ai complètement transformés, qui sont dans la légende. Voilà, Arcade existe, c'est une servante qui apparaît dans le monde de Mallory. Mais il a fallu chercher loin pour ne serait-ce qu'avoir des prénoms ou des personnages, même que je réinvente complètement, mais qui existe vraiment. Et du coup, là, j'ai dû piocher dans l'histoire, pour le personnage de la chevalière chrétienne, c'est une vraie personnalité féminine historique qui existait à l'époque, voilà, du 7e siècle, et dans lequel je fais arriver à la table ronde. Mais du coup, ça m'a surpris qu'à ce point, sur cette masse-là, j'ai quand même pas plus de personnages féminins de base. Même pas autour de la table ronde, mais de base, ouais. Et sachant que c'est vrai que dans beaucoup de textes arthuriens, techniquement, il y a des femmes, mais qui sont vraiment en filigrane derrière, et qui sont soit alors, reine 2, soit femme 2, sœur 2, fille 2, jamais définies pour elles-mêmes, mais toujours en relation avec un homme de pouvoir, etc. Donc effectivement, c'est un peu compliqué de pouvoir approfondir ça en voulant rester proche des textes et proche de, alors, je veux dire, une réalité historique. Quand on est sur une légende, c'est toujours un peu approximatif, hein, voilà. Mais justement, comment toi tu travailles? Parce que là, on est sur de la fantasy, mais tu fais des recherches aussi. Donc comment tu... Quand tu dis, tiens, je vais écrire un roman sur Morgan Pendragon, tu vas sur Google et tu tapes Morgan Pendragon et tu vois ce qui sort? Quel est... Sur Wikipédia? Alors, l'avantage aujourd'hui... Je l'aurais fait sur le premier, si ça avait été un premier roman. Aujourd'hui, j'ai un peu une chance, c'est-à-dire... déjà, à titre personnel, j'ai plutôt une bonne bibliothèque un peu spécialisée, mais un peu tout genre. Et il y a des gens qui m'apportent des choses. Voilà. Je savais où aller chercher l'info. Je savais qu'il y avait des gens qui me donnaient une biographie. Tu m'as redonné une biographie. Là, ce qui était intéressant, c'est que j'ai pu travailler très en amont sur la création d'une bibliographie. J'avais demandé à Anne Besson, c'était mon premier contact. Voilà, quelle bibliographie je peux avoir. Très vite, en fait, quand on commence à travailler sur l'histoire, on a son réseau et on a vite des gens qui vous font gagner la première partie du travail, c'est-à-dire la bibliographie sélective, qui est certainement le travail le plus compliqué quand on est un peu béotien, parce qu'on perd du temps. On se rend compte que cette source n'est pas bonne, cette source est datée. Voilà. Bienvenue dans la recherche. Oui, tout à fait. Donc là, au moins, j'ai gagné un peu de temps par rapport à ça. Et puis les textes, très vite, il y a quand même pas un top 10, mais il y a quand même une série de textes qui sont posés, qu'on lit entièrement ou en diagonale, mais sur lesquels on se base. Donc je pense que paradoxalement, ça a été plutôt facile à ce niveau-là. Sur l'aspect historique un peu plus long, parce qu'effectivement, le 7e siècle sur l'île d'Angleterre, c'est un petit peu plus complexe. Même géopolitiquement, c'est un peu plus complexe. Au niveau des visuels, tout le monde n'est pas arrêté. Mais voilà, donc ça. Et pour la première fois, comme c'était de la fantasy, voilà, par exemple, je prends le. Je ne sais pas si vous connaissez les masques de Sutton Hoo. Il y a un masque magnifique qui est au tout début du 7e siècle en Angleterre. C'est un masque qui est plutôt un masque de parade qui a été retrouvé. Il y a un facial en métal, voilà, qui représente un animal et un dragon parfait. Donc c'est le facial que je donne à. Ce casque-là que je donne à Morgane, et du coup, évidemment, je pense que c'était un casque qui n'était absolument pas utilisé en bataille, qui était assez unique, qui était vraiment, je pense, un truc un peu symbolique. Évidemment, moi, il l'utilise en bataille. Évidemment, tous les chevaliers en ont un. Évidemment, tous les chevaliers et chevalières ont un facial en lien avec leur symbole ou la valeur qu'ils défendent. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je fais aussi un pas de côté. Je voulais mettre des. Évidemment, j'ai mis des chevaliers autour de la table ronde, mais je me suis aussi positionné sur la question, hormis de mettre des hommes et des femmes, une chevalière chrétienne. À un moment, va arriver aussi des féeries. Comment on met des. Puisqu'il y a la féerie, il y a forcément des chevalières ou des chevaliers qui incarnent la féerie autour de la table ronde. Ça aussi, c'est quelque chose finalement que j'ai peu vu. Vraiment des gens qui incarnent. Des métamorphes, voilà, des choses comme ça qui existent dans certains textes et que je remets autour de la table ronde. Il y a beaucoup de choses, hein, qu'on pourrait explorer, parce que le roman est très riche et s'inscrit justement dans une filiation elle-même déjà conséquente. Le roman est sorti en début d'année dernière, en 2023, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, tu as un petit peu de recul, même si tu es déjà parti sur déjà plein d'autres projets, parce que tu as publié combien de livres depuis celui-ci ? Deux. Voilà, depuis l'année dernière, donc un bon rendement. Mais maintenant que tu as un petit peu de recul et que tu vois comment aussi le livre a été reçu, a été accueilli, est-ce que tu referais des choses différemment? Est-ce qu'il y a des points que tu aurais voulu aborder, plus développer dans le roman? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis il est très bien en l'état et... Alors je pense qu'ouvertement, j'ai mis un an sur ce roman. Je pense que c'est un roman qui aurait mérité d'avoir plus de temps. Mais voilà, ma réalité d'auteur à temps plein, parfois... Il y aurait aussi besoin de plus de temps pour digérer certaines choses. Je pense qu'il y a deux choses aujourd'hui que je reprendrai. C'est pour ça que j'étais ravi hier de la table avec Arioli, parce que je pense que la légende du chevalier au dragon, j'aurais aimé si je l'avais vu plus tôt l'intégrer au récit. Et surtout, je pense qu'il y a centralement, il y a peut-être une époque que je développerai plus, c'est que je ferai un peu une ellipse au milieu où il y aurait vraiment les quêtes. Et là, je laisserai peut-être parler, prendrai le temps d'avoir un chapitre ou deux avec quelques chevalières et chevaliers que je fais parler. Donc, voilà. La dimension de quête, voilà, je la réapproprie. Ouais, ça manque peut-être un peu au cœur du récit. Je ne vais pas parler de la fin pour pas, ne pas divulgâcher. Mais tu n'as pas fait de tome 2 de tes romans pour l'instant. Non, voilà, je lance des pistes pour la suite. On ne sait pas. Voilà. Je vous propose, puisque l'heure tourne, et je veux quand même vous laisser un petit peu la parole, mais avant, est-ce que tu accepterais de nous lire un extrait de ton texte pour donner un petit peu aussi à entendre ta prose directement, plutôt que de m'entendre moi parler de Morgane et de vous dire à quel point c'est bien. Je suis sûre que vous me croyez sur parole, il n'y a pas de doute, mais autant l'entendre de l'auteur lui-même. Ben, je prends un très court passage, je prends une page et demie de la fin du prologue, donc pour vous donner le contexte, comme ça. C'est... Merci. Je vous dévoile la fin tout de suite, comme ça on gagne du temps. On est à Camelot, on est de nuit et tout le monde, voilà, le Merlin est là, Kay est là, autour d'Arthur et de Morgane pour tenter de sortir l'épée de la pierre. Arthur a essayé et a échoué. Morgane s'approche et elle va tenter. Elle aussi, elle a quand même un petit peu un doute parce qu'à ce moment précis, si elle ne réussit pas, il y a beaucoup d'enjeux qui se passent. Et voilà ce qui se passe. Je me place à côté de la tombe. Me voilà au seuil de mon destin. L'épée est bien banale, vue d'aussi près. Sur son pommeau est enroulé un dragon. Je la grippe à deux mains, tout en détaillant le gisant. J'ai l'impression qu'Uther va se réveiller, qu'il va entrouvrir les yeux pour les plonger dans les miens, et que son sourire n'affiche plus du dédain, mais de la satisfaction. L'instant passe, et le voilà à nouveau endormi. Je tire sur l'épée qui n'offre aucune résistance, à tel point que je suis déséquilibré d'avoir mis trop de force dans mon geste. Je contemple la lame, encore surprise par la facilité avec laquelle j'ai réussi à la déloger. Je savais pourtant que c'était moi qui étais destiné à la délivrer de la pierre, car je suis la fille d'Igerne et d'Uther Pendragon. C'est pour cela que Merlin m'a caché, pour éviter que l'on découvre trop tôt l'existence de l'héritière de l'ogre. Les prophètes se sont trompés. Ce n'est pas un roi, mais une reine qui vient de naître. Kay est le premier à se mettre à genoux devant moi. Ma reine, je fais serment de vous servir. Octor l'imite bientôt, suivi d'Arthur, qui ne peut dissimuler son allégresse. Nos yeux se croisent. Je lis de l'amour dans son regard, mais j'y perçois fugacement autre chose. De l'envie. À partir de cet instant, le destin d'Arthur et le mien sont inextricablement tissés en un même nœud. Merlin est le dernier à se mettre à genoux. Ma reine. L'enchanteur est le seul à ne pas m'avoir juré fidélité. Il est trop soucieux des détails pour que ce soit un oubli de sa part. Il ne m'échappe pas non plus que, tout en sachant qui j'étais, il a laissé un autre tenter de sortir l'épée avant moi. Merlin espérait contrarier le destin et mettre Arthur sur le trône à ma place. Je prends conscience que je suis l'unique femme présente et je me sens brutalement seule. Peut-être que l'enchanteur souhaitait voir accéder un homme au pouvoir. Je serre plus fort l'arme dans ma main pour me rassurer. Que mes doutes se révèlent ou non exacts, il me faudra me battre pour défendre ma couronne. Je rejoins Merlin sur ce point. Dans ce monde taillé par les hommes pour eux-mêmes, ma tâche aurait été plus aisée si j'en avais été un. Je tente de déchiffrer les quatre visages silencieux. Puis-je toujours leur faire confiance maintenant que je suis reine? Lesquels me seront fidèles jusqu'au bout et lesquels me tourneront le dos? Nous voilà tous réunis par des liens de sang ou de cœur. Seule la loyauté ou la trahison pourra les dénouer. En cet instant, nul ne peut prédire ce qu'il adviendra de mon règne. Il sera peut-être à ce point exceptionnel que les bardes en feront une légende. Si cela doit arriver, encore faudra-t-il qu'elle ne soit pas déformée par les hommes qui la chanteront et qui refuseraient le droit à une femme d'en être l'héroïne. Si les personnes qui entendront mon histoire doutent de sa véracité, puissent-elles au moins ne pas oublier mon nom, Morgane Pendragon. L'équipe du comité d'histoire régionale vous remercie d'avoir écouté Magic Histoire. Un grand merci à Jean-Laurent Del Socorro. À très bientôt sur les plateformes pour de nouveaux épisodes.